Et le 15e sommet a été un signe d'espoir, de patience pour certains Africains, pour d'autres, goût d'inachevé, déception. Aujourd'hui, le président centrafricain, à travers le scandale du président centrafricain, quand on parle de monnaie, on voit directement le Sango Coin, le président centrafricain qui a réitéré que les crypto-monnaies présentent d'énormes opportunités et que le recours à ces crypto-monnaies, c'est pour saisir ces opportunités. Aujourd'hui, président en exercice de la CEBAC, quel défi l'attend concrètement, président Bandakani? D'abord, il faut rappeler qu'un président de la CEMAC est un exécutant des résolutions de la conférence des chefs d'État. Alors, à ce niveau, il ne va pas faire quelque chose d'extraordinaire qui ne soit pas déjà, ne soit pas déjà défini par l'agenda arrêté par la conférence des chefs d'État. Il met en exécution ce que les chefs d'État ont arrêté dans le cadre, justement, à travers les résolutions. Donc, le premier défi qui s'impose au président Touadéra, c'est un défi de fidélité à l'esprit et à la lettre des engagements pris par les chefs d'État. C'est très important. Alors, quand on a dit ça, évidemment, il y a les défis politiques, parlons comme ça, et stratégiques. Premier, c'est cette fusion CAC-CEMAC qui est dans sa dernière ligne droite, et qui charrie des grands enjeux. Dernièrement, il y a des enjeux, j'allais dire classiques, entre guillemets, des enjeux classiques liés au processus de rationalisation impulsé par l'Union africaine dans l'optique d'un marché commun. Maintenant que l'Union africaine a accéléré avec la ZELECAF, on connaît toutes mes réserves sur ce truc-là. Alors les États régionaux, les organisations sous-régionales doivent se mettre à la page. Mais dans la fusion CAC-CEMAC est une fusion pacte. Au-delà de cette rationalisation, il y a derrière de grands enjeux. Premièrement, vous savez que des États de la Centrafrique, de Centrafrique pour ne pas le citer, hébergent, n'est-ce pas, le siège en Afrique centrale des BRICS. Et un pays comme le Cameroun, lui aussi, a une coopération assez chaude. Et ambitieuse avec la Russie. Pour ne prendre que ces deux États-là, vous comprenez que ça, n'est-ce pas, ça donne une autre coloration et fait adosser d'autres enjeux à ce processus de fusion qui fait que bon, ce n'est plus un processus vulgaire, entre guillemets, consistant à satisfaire les désirateurs de l'Union africaine qui, elle, travaille pour l'Union européenne. Donc vous voyez d'abord que à ce niveau-là, il y a un grand enjeu. Il faut mener ce chantier à terme. Dans un contexte où la RDC et le Rwanda sont en guerre. Or, c'est deux pays membres et deux pays importants de la CEAC. Donc, il y a tout cet enjeu-là. Je ne voudrais pas insister sur le fait que la CEAC, c'est le golfe de Guinée. Et vous connaissez tous les appétits, n'est-ce pas, que suscite le golfe de Guinée à cause de sa position extrêmement stratégique et les énormes richesses, n'est-ce pas, qu'il est censé, n'est-ce pas, posséder. L'autre défi politique, l'autre défi qui attend le majeur qui attend le président de la CEMAC, c'est d'abord celui aussi de son propre pays. Vous savez, il faut achever la normalisation, le retour à la normale des activités de la CEMAC à Bangui. Vous savez que... Le retour de la commission Bangui. Vous avez bien compris. On vient d'inaugurer les bâtiments flambant neufs pour accueillir cette commission. C'est un signe qui montre que la sous-région fait confiance au président Touadéra. Du coup, le président doit mériter cette confiance. En consolidant cette sécurité et en consolidant, n'est-ce pas, les éléments qui garantissent cette confiance-là. À ce niveau-là, c'est un défi important pour le président, non seulement de mériter la confiance de sa paire, mais en plus de positiver, n'est-ce pas, cette plus que lui donne le fait qu'il soit le porte-parole, le président et le représentant de toute la sous-région. C'est un défi. C'est pas seulement un avantage politique, c'est un défi. C'est un défi. L'autre grand défi, c'est évidemment le défi monétaire et économique. Il y a cette question du franc CFA. Bon, ce n'est pas une affaire d'opinion et d'attente. Le France est vraiment mort. Il est fini sur le plan juridique. Il est fini. La bataille aujourd'hui, c'est comment on en sort. Et quelle configuration monétaire, n'est-ce pas, on donne à la sous-région. Le débat, il est là. Donc, il n'y a plus question de retourner. Le France CFA est mort. Alors, à ce niveau, j'ai... Interrogation. Oui, dans un style qui vous est propre. Oui, vous voulez nous faire parler, j'ai bien compris ça. Donc, il est précurseur. Le président Touadéra est précurseur, non seulement dans une diversification assez audacieuse de partenariats avec la Russie. Vous savez, il a activé un vieux partenariat, n'est-ce pas, russe, russo-centrafricain, dans un contexte où on voulait l'asphyxier, où on le considérait comme pratiquement mort. Donc, il a réactivé ça. Avec le résultat que l'on connaît, le pays aujourd'hui est quasiment sécurisé, une armée centrafricaine est debout, ce n'était pas le cas, quand il prend le pouvoir, il a 16 Kalachnikov, il faut l'appeler ça, 16 Kalachnikov, et il a 5000 militaires français à Bangui, Centrafrique. Donc c'est moins qu'une colonie. Aujourd'hui, vous n'avez plus pratiquement de soldats français en RCA, même s'ils se cachent derrière les rebelles, mais ils ne sont plus là, ils ont été obligés de démanteler leur base, de partir. Mais en plus de ça, vous avez une armée qui sécurise pratiquement près de 95% du territoire. Aujourd'hui, les rebelles sont totalement sur la défensive. Lutte était cet embargo onusien. Le pays serait à bout, mais ça avance très bien. Les rebelles aujourd'hui sont très mal en point. Ils n'arrivent plus à se déployer comme ils le faisaient hier. Et ça, sur la quasi-totalité du territoire. Il faut mettre ça à son natif. Il a redonné à l'État centrafricain une crédibilité. Il a remis sur pied. Mais, vous savez, il a un problème. Il a un problème, c'est que le pays vient de très loin. Le pays est très loin. Le pays a été appauvri. C'est ce qu'il allait dire au sommet, qu'on a appelé le sommet des pays les moins avancés. Le pays a été extrêmement appauvri, pillé, comme tout ce qu'il a dit, pillé, bloqué dans sa capacité à réaliser son potentiel, qui est extraordinaire. La RCA est riche que la RDC, Jean de Safran. Je vous le dis, la RCA est plus riche que la RDC. Jean de Safran. Donc vous imaginez comment un pays comme ça qui est si riche n'a même pas encore amorcé la réalisation de son potentiel. C'est un pays qui a un budget qui tourne entre 200 et 250 milliards. Vous vous rendez compte du budget? Là, il peut avoir 20 000 milliards de budget, 30 000, 50 000, même plus en termes de budget, au regard de son potentiel. C'est pour ça que le président donc, a décidé d'explorer la voie de la crypto-monnaie. C'est pas une monnaie, la crypto. C'est pas une monnaie. Ce sont des actifs numérique, adossé à une technologie, la blockchain que nous connaissons, qui est une chaîne de blocs, blockchain, comme le nom le dit, qui permet de contourner les circuits conventionnels monétaires, qui sont sous le contrôle, n'est-ce pas, des ennemis de la Centrafrique, de tous ceux qui ont intérêt à bloquer le pays. Il a donc lancé cette idée de le Sangocoin, bousculant, n'est-ce pas, le statut monétaire qui avait cours dans la sous-région. Bousculant. Alors, qu'aujourd'hui, vous l'avez signifié à votre entrée, qu'aujourd'hui, il a fait un compromis avec les États de la sous-région, ça a son avantage, parce qu'ils ont voulu même pas entendre parler. La BRIC s'est braquée pour se contenter de son immobilisme monétaire, néocolonial. Mais là, ils ont été obligés, parce que, c'est ça, vous ne pouvez pas empêcher un pays souverain de s'occuper de sa population, de vouloir débloquer, n'est-ce pas, son économie. On ne pouvait pas. Donc, un compromis a été fait, n'est-ce pas, qui est à l'avantage du Centrafrique et de la sous-région. C'est un excellent compromis. Vous avez indiqué les retouches que l'État centrafricain est en train de faire pour essayer d'harmoniser, n'est-ce pas, ses points de vue avec ceux de l'autorité monétaire de la sous-région. C'est une bonne chose. La crypto-monnaie, ça mobilise des millions, des billions de milliards qui cherchent preneur. Et ça, ce n'est pas... Vous n'avez pas besoin de tout le carcan qui est autour avec la zone franc. Il suffit simplement de maîtriser la technologie, de bien protéger, n'est-ce pas, vos serveurs, n'est-ce pas, et qu'on vous dit, allez, c'est un marché où il y a une offre rencontre une demande, n'est-ce pas. Et encore, maintenant que la Centrafrique est extrêmement riche et que le président, dans son génie, n'est-ce pas, va adosser, n'est-ce pas, l'offre crypto de la Centrafrique a du réel, c'est-à-dire aux richesses naturelles du pays, mais vous imaginez le nombre de milliards qu'il peut dégager. C'est pas par hasard que le BRICS a fait la Centrafrique la capitale en Afrique centrale. C'est pas le fait du hasard. Alors je vous parle, beaucoup d'investisseurs, moi j'ai été à Bangui, beaucoup d'investisseurs sont dans les hôtels et attendent simplement, n'est-ce pas, que cette crypto-monnaie démarre, qu'on lève les blocages qu'il y avait au niveau de la sous-région, par exemple. Vous voyez un peu. Donc C'est l'espoir, non seulement pour la Centrafrique, de permettre à ce que le petit Centrafricain, qui n'espérait pas un jour sortir de la pauvreté, avec la crypto-monnaie, le dernier Centrafricain est en mesure de valoriser son potentiel, de sortir rapidement de la pauvreté. C'est ce qu'il a appelé la richesse partagée, la richesse, le droit à la richesse pour tous. C'est ce qu'il a dit. Donc, en termes de... c'est un défi, n'est-ce pas? C'est un défi qui engage au premier point le président centrafricain, parce que beaucoup de gens le regardent. Non seulement la source des gens le regardent, vous savez, si le Centrafrique réussit, vous imaginez la ruée. La ruée de tous ces pays qui regardent un peu ça de manière curieuse. Ils vont ruer sur le processus. Mais pas seulement en Afrique, pas seulement dans la sous-région. L'Afrique, le monde entier regarde le projet de la révolution crypto-monétaire que le Centrafrique a engagé. La Russie regarde ça. Beaucoup de pays dans le monde. Vous savez que ce n'est pas beaucoup d'États, surtout au niveau mondial, n'ont pas lancé, comme on dit, de monnaie, de faire de la crypto une monnaie nationale. Ouais, vous voyez un peu. Très peu d'États l'ont fait dans le monde. Et je dis très, très peu. Très peu. Mais la Centrafrique est une expérience modèle que beaucoup de pays regardent. Si ça marche, ben écoutez, ça va ouvrir des perspectives extraordinaires à toutes les économies africaines, et le pays serait en mesure, n'est-ce pas, de partager son modèle, n'est-ce pas, aux autres pays africains. Donc tous ces défis là, n'est-ce pas, se pèsent sur le dos du nouveau président. Enfin, il y a un défi domestique. Le défi qui est même lié à l'organisation, parce que vous savez, aujourd'hui, on a changé pratiquement les habitudes de la commission, il y a eu des mutations, mais aussi il y avait un grand défi de fonctionnement. On collectait la taxe communautaire qui n'était pas reversée. Et il y a des arriérés l'injonction qui a été faite pour le paiement de cette taxe. Voilà, il faut accélérer ça, il faut que les taxes communautaires soient non seulement collectées, mais reversées, n'est-ce pas, à la commission, reversées à l'institution sur le journal, pour qu'ils puissent fonctionner à ce travail-là qui est fait. Et il y a les projets intégrateurs, soit au nombre de 11 ou 12, n'est-ce pas, qu'il faut relancer. Le président camerounais, le président Patriarche, passant la main, a appelé qu'il faut effectivement passer à ce qu'il a appelé la seconde génération de projets intégrateurs. Il faut vraiment que l'économie sur le journal soit réel et que l'intégration soit réellement physique. Le président l'a dit, physique. Il faut que ça cesse d'être des projets dans le bureau, dans le tiroir qui ne bouge pas. L'ensemble de ces projets intégrateurs, ce que nous sommes bons, c'est autour de 5 milliards de dollars. Vous voyez, je pense quand même que les financements étaient quasi bouclés. Alors on ne comprend pas pourquoi depuis ça stagne, pourquoi ça bouge, même si quelques projets ont démarré. Dans tous ces défis, le président doit apporter sa touche. Doit porter sa touche durant son mandat, en même temps, n'est-ce pas, qu'il doit veiller, en même temps qu'il doit concilier ça avec la renaissance de son pays, renaissance politique, renaissance économique, n'est-ce pas, de son pays pour le bonheur de son peuple et de la sous-région et de l'Afrique. Merci, Président Banda Kani, pour ce premier jet d'intervention. Afrique Média, le monde, c'est nous.